Lettre 83e, Calpurnie à son frère Lucius, Nicomédie, juillet 303. J'arrive de Saint-Iom. De Saint-Iom, t'entends-je répéter. Qui peut avoir engagé à aller à Saint-Iom? Qui est Lucius? Ma propre volonté. La raison qui me parle quelquefois, quoi qu'on en dise, m'a conseillé de faire les premiers pas pour amener une rencontre qu'il était difficile de toujours éviter et qui devait avoir lieu une fois ou une autre. Si je persistais à ne plus voir Agathoclès depuis son mariage, si j'avais fui sa présence du moment où il a retrouvé Larissa, ne lui donnais-je pas le droit de penser que sa perte m'était insupportable et que je ne pouvais voir sans en mourir mon heureuse rivale? Oh, cette idée révoltait mon orgueil. Pourquoi ne pas les voir? Qu'ai-je à redouter? Je ne veux pas que Théophanie puisse dire à son tour de moi ce que je disais d'elle, que je me cache pour exciter le désir d'être vue. Je me devais à moi-même, à ma réputation, à l'estime que je dois inspirer, que ni l'un ni l'autre n'eût cette idée, et de leur prouver à tous deux que je n'étais que son ami, puisque je la suis encore. Je le devais aussi, pour éviter le trouble où sa présence inattendue aurait pu me jeter, et le revoir avec calme et dignité. Je lui devais d'ailleurs des remerciements. Sans savoir la manière dont il s'y était pris, il est sûr qu'il m'a délivré à la fois de la méchanceté et des assiduités de Marcius. Je devais donc lui en témoigner ma reconnaissance. Je le sentais et m'y décidais sans peine. Mais ce ne devait pas être seulement par une visite et par des paroles. La condition que son père avait mise à son mariage me parut trop dure et trop injuste, et voulant à mon tour rendre service à Agathoclès, j'entrepris d'engager le vieillard à se rétracter. Je parlai de mon projet à mon père. Il s'y opposa d'abord. Tu sais qu'il n'aime point le vieux Hégésippus. Il me présenta mille scrupules et difficultés. Mais plus je pensais à mon plan, plus il avait d'attrait pour moi. J'obtins, à force de prières et de raisonnements, l'aveu qu'il était nécessaire de faire une démarche pour convaincre Agathoclès et sa compagne de la tranquillité de mon cœur et enfin la permission de suivre mon projet. Lui rendre avec chaleur un service d'ami était peut-être la meilleure manière de lui prouver que je n'avais ni amour ni dépit. Je connais ce vieillard aussi frivole qu'un jeune homme, et j'étais sûr que malgré les glaces de l'âge, il ne serait rien moins qu'insensible aux avances et aux attraits d'une jeune et jolie femme. Je mis donc plus de soin à ma toilette que lorsque j'espérais de voir son fils, et quand je fus sous les armes, j'envoyai Phédo chez lui pour lui demander l'heure où je pourrais lui parler. Je savais d'avance qu'il viendrait lui-même, et en effet ce fut sa réponse, mais à ma grande surprise, il se fit attendre très longtemps, et dès que je le vis entrer, j'en compris la raison. Il avait aussi fait une brillante toilette. Les parfums d'Arabie avaient été prodigués, et sa longue barbe, arrangée avec soin, embaumait l'atmosphère et aurait fait honneur au buste de Platon. La surprise, la curiosité, l'admiration se peignaient sur tous ses traits. Je ne le fis point attendre, et dès qu'il fut assis près de moi, je lui fis ma demande en faveur de son fils, avec tout le zèle et toute la chaleur de l'amitié. Sa surprise parut augmenter. Je compris à quelques propos que le bruit de mon inclination pour Agathoclès était parvenu jusqu'à lui, qu'il en avait été flatté, et qu'il ne comprenait pas que je pusse encore m'intéresser à ce perfide. Je n'en fus que plus contente d'avoir l'occasion de le désabuser. Je lui parlai avec feu des grandes qualités de son fils et de sa belle-fille, qui devaient flatter son orgueil paternel. Je cherchais à le persuader que toutes les démarches d'Agathoclès n'étaient qu'une suite de ses vertus et de la sévérité des principes que nous admirions chez Curtius, chez Caton, dont il deviendrait sûrement le digne émule. Je fis valoir l'attachement du roi d'Arménie, du prince Constantin, sous le jour le plus favorable. Je lui fis sentir combien lui-même aurait à gagner à la renommée d'un tel fils. Enfin, je n'épargnai rien pour le convaincre, et mon éloquence et le pouvoir de mes charmes eurent un plein succès. Le galant vieillard me dit qu'il était impossible de me refuser quelque chose, qu'il ne haïssait point son fils, que sa belle-fille, quoiqu'elle ne pût être comparée à la belle Calpurnie, avait su lui plaire, que je lui demandais une chose très difficile puisque sa parole était engagée, mais que si je voulais lui donner la mienne, de lui accorder une part dans une amitié aussi précieuse, aussi active que celle que j'avais pour son fils, il consentait à tout et que ses enfants me devraient leur bonheur. Je lui tendis la main avec le plus doux de mes regards. « À jamais, l'ami du père d'Agathoclès et de Théophanie, lui dis-je avec sentiment. Il la baisa avec plus de vivacité que n'aurait fait son fils. Il fut chercher l'acte de renonciation, et dans moins d'une demi-heure, je le reçus de sa main. Je l'embrassai comme si j'eusse été sa fille, et nous nous séparâmes les meilleurs amis du monde. Enchanté de mon triomphe, je portai l'acte à mon père. Il secoua la tête et toucha la mienne en me disant « Femme, femme, n'abusez pas de votre empire. » Il diminua ensuite un peu mon orgueil en m'apprenant que cet eau du Marsus en avait fait autant que moi sur Égésipus. Il ne le quitte pas. On sait que c'est lui qui l'avait engagé à cet acte inique, et s'il n'eût pas été absent, il est douteux au moins que j'eusse si bien réussi. Ainsi, le service que m'a rendu Agathoclès porte avec lui sa récompense, et j'ai du moins le mérite d'avoir su choisir le moment. Je ne voulus pas rester à moitié chemin, et je priai Quintus de m'accompagner à Saint-Iom. Cette villa est éloignée de Nicomédie de 60 stades. Nous nous mîmes en route de grand matin pour éviter la chaleur. Tu ne connais pas la situation de cette campagne. Elle est des plus agréables, et presque cachée par les bois et les bosquets dont elle est entourée. Lorsque j'aperçus le péristyle entre les cèdres et les pins, et la grande allée de platanes où si souvent je me suis promené avec ma chère et malheureuse Sulpicie, qui peut-être n'existe plus, lorsque j'entrai par la porte grillée où j'avais vu, il y a à peine une année, la maîtresse de ces beaux lieux, désolée et suppliante, je fus saisi douloureusement et je ne pus retenir mes larmes. Le souvenir de Sulpicie, de nos entretiens, de mes espérances si cruellement déçues, se retracèrent si vivement à mon esprit que j'aurais envie de retourner sur mes pas si l'on n'avait pas déjà perçu et reconnu notre litière. Comme j'étais absorbé dans mes réflexions, notre conducteur avançait dans l'allée de platane. À l'instant même, je reconnus avec une extrême émotion Agathoclès, qui revenait seul devant de nous. « Oh Dieu, mon frère, cet Agathoclès qui me fut si cher, qui me l'est encore, que je n'avais pas revu depuis cette visite où je le quittais, avec le sentiment de lui appartenir bientôt, et qui appartient à présent à une autre femme. » Il fallut renfermer tout ce que j'éprouvais au fond de mon cœur. Il nous reçut avec une joie trop naturelle pour pouvoir être feinte. Il me nomma son ami, son excellente amie, et dès qu'il nous eut établis dans une place ombragée, il alla chercher sa femme. Elle vint d'abord. Ne paraissait que plus belle sous cet habillement simple, léger et du meilleur goût. Ses yeux, qui m'avaient déjà frappé, même lorsqu'ils étaient pleins de larmes, n'ont rien perdu à devenir rayonnants de bonheur. Ses traits, sans être réguliers, vont bien à sa physionomie. Ses dents sont belles, et je fus forcé de convenir que l'ensemble de cette figure avait quelque chose de bien séduisant. Son teint un peu d'éclat, mais au premier moment où l'émotion l'animait, elle me parut charmante. Et j'excusai Agathoclès de ne lui avoir pas été infidèle. Mais ses manières surtout ont un charme indéfinissable. C'est un mélange si heureux de noblesse et de simplicité, une si grande modestie, un calme qui vient de l'âme, de la paix, de la conscience, et n'ôte rien à la sensibilité de son cœur. Elle eut avec nous les attentions les plus soutenues et la conversation la plus aimable. Mais combien elle aime Agathoclès! On voit dans son regard, on entend dans le son de sa voix quand elle lui parle, qu'elle n'existe que pour lui. Heureuse, mille fois heureuse, mortelle. Agathoclès aussi a beaucoup gagné. Son œil brille de tout le feu de la jeunesse et du bonheur, et son sourire qui, si tu te le rappelles, sied si bien à sa bouche entr'ouverte, et que nous nous plaignons de voir trop rarement, est à présent son expression habituelle et l'embellit singulièrement. L'entretien tomba bientôt sur Sulpicie, dont Théophanie me demanda des nouvelles avec l'intérêt le plus prononcé. L'amitié tendre avec laquelle elle en parla acheva de lui gagner mon cœur. De moment en moment, ma répugnance s'effaçait, et je me sentais attiré vers elle. Je profitai d'un instant où elle s'était éloignée pour faire connaître à Agathoclès le but de ma visite, et le remerciant de m'avoir délivré de Marcius Alpinus, je lui remis en même temps l'acte de sa renonciation. Au premier instant, il voulut tout nier, et lorsque je lui dis comment j'étais instruite, il écarta ma reconnaissance avec noblesse et sentiment. Il fut étonné et attendri de voir ce papier entre mes mains, et ce qui parut faire le plus de plaisir là-dedans fut la preuve de mon amitié pour lui et du pardon de son père. Il me conjura de garder cet acte ou de le rendre à son père, en lui disant qu'il s'en rapportait à lui seul et à sa parole, et qu'entre eux deux aucune précaution n'était nécessaire. Je cédai à regret, parce que je crains encore le pouvoir des méchants sur le faible Égésippus, et je me promis bien de ne lui rendre ce papier qu'à bonnes enseignes, et en exigeant qu'il fût déchiré devant moi. Mais j'eus la petite mortification d'être convaincu qu'en leur rendant leur richesse, je n'avais rien ajouté à leur bonheur, et qu'ils étaient bien plus heureux dans leur simplicité que nous au milieu du luxe qui nous entoure. Il faut même que je t'avoue que depuis cette visite, notre belle maison de Nicomédie ne me plaît plus autant. J'y trouve trop de magnificence, trop d'esclaves, trop de meubles, trop de cérémonies, et trop peu de jouissances paisibles. Le tableau de bonheur et de paix que j'ai vu à Saint-Iom a décoloré ma vie. Serait-il donc vrai que c'est là l'élément dans lequel notre essence spirituelle peut le mieux se développer? Oh, Lucius, ces idées ne me quittent pas un instant depuis hier, et ce tableau de bonheur domestique avec un homme tel que... Mais qu'ai-je donc? Pourquoi des larmes bordent-elles mes paupières? Adieu pour aujourd'hui, je ne puis plus écrire. De ma vie je n'étais aussi attendri, et cependant aussi calme. Adieu, cher frère. Le lendemain. Après avoir lu ma lettre, je m'aperçois que j'en suis resté au commencement de mon récit. Hier, il me fut impossible de le continuer. Aujourd'hui, mes sensations ont pris un autre cours et je reviens à Saint-Iom. Théophanie rentra au moment où Agathoclès me rendait l'acte. Elle m'invita à venir prendre un bain qu'elle m'avait fait préparer. Je la suivis. Toute la maison, le cabinet de bain, les ustensiles, les esclaves, les laines, sont d'une propreté et d'une simplicité remarquables. Je passai une heure au bain et j'en sortis bien rafraîchi et enchanté de l'effet que produisaient à travers les grandes croisées les rayons du soleil perçant le feuillage d'un bosquet attenant au cabinet des bains. L'heureuse épouse me conduisit ensuite dans son gynécée. J'ai souvent été à Saint-Iom, mais Sulpici, toujours sombre, triste, occupé de sa passion malheureuse, ne m'avait montré que deux ou trois chambres et une partie des jardins. Tout ce qui regarde l'économie d'une maison, tout ce qui la sortait à l'instant de la pensée de Tiridate, lui était à charge. À présent, conduite par un être complètement heureux, je voulus tout voir, et je trouvais tout charmant et dans un ordre parfait. Une femme très intéressante, la mère d'Agathoclès, dont Théophanie ainsi que lui parlent avec une profonde admiration, a créé cette habitation délicieuse pour son fils, et dans l'espérance qu'il l'habiterait un jour avec Larissa. Et voilà cet espoir réalisé. Pendant la grande chaleur, nous nous retirâmes dans une salle de marbre en forme de rotonde. Une ouverture dans la coupole y laisse pénétrer un jour tendre, sans être incommodé des rayons du soleil. Une fontaine, d'une eau vive et pure, coule dans une niche agréablement décorée et rafraîchit l'atmosphère. On ne s'apercevait pas dans cet asile de la chaleur presque insoutenable. C'est là que la table fut dressée. Les mets étaient simples, peu nombreux, la plupart des productions de leur campagne, mais si bien assaisonnés, ornés de si belles fleurs placées avec tant de goût, que je n'avais fait de ma vie un dîner aussi délicieux. Tu connais le bon et zélé Quintus. Dans son enchantement d'une telle réception, il oublia dans quelle maison il était. Et dès le commencement du repas, il prit la coupe pour offrir une libation à Jupiter. Je lui fis un signe, Agathoclès le remarqua. « Ne te laisse pas détourner, Quintus, lui dit-il, fais ce que tu crois être un devoir, et ne t'imagine pas que nous en soyons fâchés. Ton Jupiter est un des astres que j'admire le plus souvent, dans l'éclat duquel on reconnaît le Créateur du monde, et tu le respectes lorsque tu sacrifies à cette belle étoile. Mais je compte aussi que tu ne te moqueras pas de nous, si nous remercions à notre manière celui qui nous protège et fournit à notre entretien. » Alors Agathoclès et Théophanie se levèrent, les esclaves, tous chrétiens, les entourèrent, se tenant à quelque distance. Tous firent le signe de la croix sur le front et sur la poitrine. Ils prièrent ensuite à voix basse, les mains jointes, le front baissé. Je dois t'avouer que je fus bien éloigné de trouver du ridicule dans cette cérémonie courte et pieuse. Ce fut pour mon cœur un spectacle ravissant de voir d'un côté Quintus offrant sa libation à Jupiter, de l'autre Agathoclès à la tête de sa maison adressant des actions de grâce à son Dieu. Prier en commun cet être invisible dont l'existence ne peut être prouvée que par le sentiment et la conviction de ceux qui l'implorent. Cette conviction leur donne un tel bonheur que j'étais peiné de ne pas le partager et de sentir mon cœur froid tandis que le leur était brûlant de zèle et de reconnaissance. Il s'éleva ensuite une discussion sur la religion entre Quintus et Agathoclès. Celui-ci fit retirer les esclaves et commença à combattre les idées de notre frère avec des armes trop supérieures. Il nous représenta, sans se permettre la moindre dérision, le néant de nos divinités, tel que je l'ai toujours trouvé et que tout homme sensé doit le sentir. Le mal qui résulte du manque d'objets dignes de vénération chez un peuple qui n'est pas parvenu au degré de civilisation proportionné à ses facultés intellectuelles par une marche lente et graduelle, mais qui a été envahi par la volupté et le luxe des nations efféminées que sa valeur avait subjuguées. L'antique vertu de ce peuple se mêla tout à coup et sans qu'il y fût préparé avec les voluptés raffinées de l'Asie et de la Grèce. Il s'y accoutuma bientôt et foula aux pieds avec insouciance tout ce qui avait été sacré pour ses ancêtres, bien meilleurs que lui. De là, passant à la religion des chrétiens, il nous démontra l'avantage d'avoir un modèle ou un type de conduite tel qu'il se trouve dans leur législateur, et finit par nous prouver qu'une religion qui exhorte à des mœurs sévères, qui recommande une conduite pure et un patriotisme éclairé, doit nécessairement opposer des barrières insurmontables à la destruction d'un vaste empire. Pendant cette conversation qui m'intéressa beaucoup, sans cependant la comprendre entièrement, le soleil s'était couché. La lumière de la lune, dans son plein, lui succéda. Elle s'éleva majestueusement derrière les cèdres. Nous voulûmes prendre congé de nos hôtes, mais ils nous pressèrent si amicalement de rester avec eux, et Théophanie mit tant de grâce dans ses sollicitations qu'il nous fut impossible d'y résister. Nous restâmes donc avec le doux sentiment d'être avec de vrais amis. Toute mon aversion pour la femme d'Agathoclès avait disparu, je ne sais comment. J'étais surprise moi-même de ne plus trouver dans mon cœur que de la bienveillance, de l'amitié et la plus tendre reconnaissance pour celle qu'elle me témoignait. J'éprouvais aussi un plaisir inexprimable du bonheur d'Agathoclès, qui me faisait aimer celle à qui il le devait. Nous parcourûmes les jardins, et la fraîcheur de la soirée, la douce clarté de l'astre de la nuit, le charme d'une intéressante conversation, rendirent cette promenade délicieuse. Au retour, nous nous assîmes sous le portique, Théophanie apporta un luth, et me le remit entre les mains, en me rappelant le plaisir qu'elle avait eu à m'entendre dans cette demeure. Elle me pria de chanter le même air, qu'elle se rappelait très bien. J'y consentis. Ce fut ensuite son tour. Elle est très bonne musicienne, et sa voix douce et touchante pénètre au fond du cœur. Les heures s'écoulèrent ainsi rapidement. Quand celle du repos arriva, on nous conduisit dans deux jolies chambres dont les fenêtres étaient garnies d'orangers en fleurs. Un doux sommeil vint fermer mes paupières, et bientôt j'eus perdu pendant quelques heures le souvenir d'un jour mémorable pour moi sous bien des rapports. Je sortis des bras de Morphée restauré par un sommeil bienfaisant dont, depuis bien des nuits, j'avais été presque privé. Malgré tout le plaisir que j'aurais eu à prolonger mon séjour dans cette maison d'amour et de paix, je ne voulus pas laisser plus longtemps mon père. Nous prîmes un tendre congé des aimables habitants de Saint-Iom, avec la promesse d'y revenir bientôt, et j'arrivai à Nicomédie avec le cœur bien soulagé, mais rempli d'une foule d'idées et de sentiments dont l'impression ne s'effacera pas de sitôt. Quintus est presque amoureux de Théophanie. Il dit que s'il rencontrait une femme comme elle, il subirait bientôt le joug du mariage. Adieu, mon cher Lucius. Je te désire aussi une Théophanie, mais elles sont rares, ainsi que les Agathoclès.